Dossier 4. Première partie. Seul sur son banc. Joseph est sur le banc de la place du village, tout seul. François s'approche de lui. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'est pas là, Raymond? Et non, il est chez le docteur. Oh, rien de grave, j'espère. Non, mais c'est sa femme. Elle lui a dit qu'il devait aller voir son docteur. Et comme il fait ce qu'elle dit... Elle n'a peut-être pas tort, avec le tour de taille qu'il a. Quel tour de taille? Il est à peine plus gros que moi. Bon. On n'en parle plus. Et il en a pour longtemps chez le médecin? Il m'a dit qu'il rentrerait en fin d'après-midi. En attendant, qu'est-ce que tu fais tout seul sur ton banc? Ah, je regarde le monde. Eh bien, d'ici, tu ne dois pas voir grand-chose. Oh, et tu te trompes. Tu vois, en regardant ce pauvre Parisien, eh bien, je me dis que la vie n'est pas toujours rose. Tu exagères. Mais c'est vrai. On m'a dit que leurs affaires ne marchaient pas très fort. Pas très fort? Eh bien, ceux qui t'ont dit ça, ils sont modestes. 10 clients en 2 semaines. Quand il est arrivé, il m'a dit qu'il ferait ça le plein au bout d'un mois. Et moi, je lui ai dit qu'il n'y arriverait pas. Oui, mais toi, tu vois toujours les choses en noir. Moi, je suis sûr qu'ils vont y arriver. Tiens, je vais aller lui dire un petit bonjour, en passant.